Est-ce que tu aimes la poésie? Chevalier, cavalier noir, qui sort du soir. Au cavalier noir, il aime les histoires et les légendes. Il faut des péripéties, il faut des climatologies pour que les légendes s'écrivent. Thank you.

C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Alors si c'est une histoire vraie. I'm a grown man for sure. Choisi l'océan, traversé des rivières. De nos actions, alors il faut encore continuer l'avance et se dire qu'une autre danse jouera encore une seconde, un instant peut-être. Et que nos chemins se croiseront encore une fois, que nous chercherons de baiser dans notre éternité. Sourire, ton sourire, tes avances, tes reculons, tes désirs et tout ce que nous faisions ensemble. toi, au son des voix de tes frères qui ne font comme la guerre, toujours le même voyage qui les ancre au port de mon cœur qui tremble, qui saigne souvent. Pour vous, mes frères, mes sœurs, pour vous, jadis, mes sœurs. Suffisamment grande pour détruire ces murs et fondations, si lourdes d'acier de mes chevaux, au corps, au corps, au corps et à corps, sur nos cœurs, sur nos cœurs. Il nous en a fallu du cœur, moteur de nos ardeurs, franchir les limites, franchir ces distances qui m'invitaient à la danse des étoiles, des étoiles. Mon étoile belle de geste, mon étoile belle de geste, collée sur ma peau, collée sur mon dos, accompagnant respectueux. Sentir ton âme libre, mon maître, à penser, à passionner les êtres. Si demain une chanson me vient, elle sera l'offrande de tes offrandes. Et j'aime bien la scène des chevaux en galop. Ça, ça vient vraiment de ton cœur. Ah, puis il fallait que ça sorte, ça me soigne. À écrire et à rebalancer n'importe quand. J'avais besoin de sortir ça, tu sais, c'est pour ça que je ne me sentais pas bien. Parce que la peinture, ça ne me suffit pas, parce que la peinture, c'est mes mains qui parlent. Mais c'est que mes mains et ma tête, c'est au-dessus de ma tête. C'est tout là, c'est que j'ai du mou, mais tu peux te retrouver, tu vois, mon masque. Et du coup, ça... The cross bound brother, friend, I saw this place. Tout seul là. Non, il y a toujours un mec qui est là. Il y en a d'autres qui vont répéter. C'est bien ton côté feu. c'était pour savoir. Isn't it time? Yeah.